Les éditions de l'Avenir présentent « Baptême de sang » de Pamphile Lemay, tiré de « Contes vrais ». Godefroy Vaudreuil, mon cousin, était venu m'inviter à un levage. J'aime beaucoup les corvées rustiques car elles sont de véritables fêtes du travail. Je supposais avec raison qu'une soirée agréable suivrait la journée laborieuse et, par ma vie, je ne sais pas plus refuser un plaisir qu'accepter un ennui. Au reste, j'espérais voir au chantier le vieux Désorcy, un patriote d'autrefois, dont la verve m'amusait beaucoup. On disait un mot, un nom, une date, la rébellion, Papineau, 1837, et il partait comme une fusée. Son patriotisme était encore en ébullition. Il nous racontait les faits d'armes dont il avait été témoin, toujours les mêmes, mais de plus en plus beaux et grandissant toujours. Ils avaient l'auréole du passé et le prestige de la distance. Les héros de son temps lui paraissaient des demi-dieux, et nous lui paraissions à peine des hommes. Cependant, il nous appelait ses enfants. Mais ce mot, plein de douceur, avait parfois de terribles vibrations sur ses lèvres. Il nous appelait ainsi, je suppose, à cause de son grand âge et de notre jeunesse. Ou bien, à cause d'une comparaison qu'il faisait in petto entre les vertus d'aujourd'hui et les vertus d'antan. Peut-être aussi que cette appellation toute paternelle remplaçait dans sa bouche honnête le vilain juron. Il disait « mes enfants », comme d'autres disent « sacré tonnerre ». Mon cousin élevait une maison. Le mot ne se dit peut-être qu'ici, mais la chose se fait partout. Durant l'hiver, il avait coupé les pièces de charpente dans le coin de forêt qu'il garde jalousement au bout de sa terre et les avait charroyées sur place, attendant les beaux jours de l'été pour édifier son nid. Plus prudent que beaucoup d'autres, il ne défrichait pas son bien tout entier. Il conservait un large abri de verdure pour ses troupeaux et ses fontaines. Il prévoyait les besoins de l'avenir. La construction des bâtisses, les clôtures, le chauffage, toutes ces onéreuses nécessités de notre rigoureux climat. Il avait voyagé loin, travaillé partout, observé beaucoup. Actif, intelligent, hardi, il était allé au-devant de la fortune et avait eu le bonheur de la rencontrer. Cependant, il n'avait pas oublié le pays et le souvenir d'un petit coin de terre béni qui, un jour, avait été pour lui tout le monde, était encastré dans son cœur comme une perle sertie dans l'or. Il était venu mourir au lieu de sa naissance. Il avait dormi dans le berceau des aïeux, il dormirait aussi dans le cimetière où il reposait. Or, bon nombre de travailleurs étaient à l'œuvre et l'on entendait de loin résonner comme une fanfare étrange sous les coups de la hache et du maillet des morceaux de bois sonores. Léandre Martel, un gaillard de notre canton, taillait l'ouvrage et dirigeait les ouvriers. Il était calme d'habitude, pas empressé du tout, mais il voyait juste et marchait droit au but. Souriant toujours, il allait d'un groupe à l'autre, traçant avec un crayon noir des mortaises et des entailles, donnant des conseils ou dictant des ordres. Les scies aux dents acérées chantaient en faisant pleuvoir le bras comme une poutre d'or sur l'herbe piétinée. Le carré s'élevait vite avec ses châssis béants comme des yeux vides. Les chevrons furent montés l'un après l'autre, bien appuyés sur les sablières et liés ensemble par des lattes. Le soir, quand le soleil descendit sous l'horizon des montagnes bleues, le comble parut comme un triangle de bronze dans la lumière rose. On cloua sur le pignon un énorme bouquet de sapins et l'air retentit de mille cris joyeux. La table fut dressée dans la vieille maison entre les quatre pans où on avait enlevé les cloisons. Une liqueur excitante coula comme une nouvelle fontaine de jouvence et, à l'instant même, tout le monde se sentit rajeunir. Le père des Orcis arriva souriant. « Tendez, Vignan Thibus, au sang !» s'écria Jean Dupont, qui avait fait sa troisième et s'était remis à planter des choux. Le vieux patriote ne comprit pas, mais il répondit quand même. « Ah, ça, À mon âge, on commence à tarder, mes enfants. La soirée était avancée et nous allions nous séparer sans entendre une histoire du bon vieux patriote quand un mendiant entra. Il était infirme, très vieux et s'appuyait sur deux béquilles. Tous les regards se fixèrent sur lui. Il demanda un gîte pour la nuit. La maison était petite et déjà trop remplie. La femme de Godefroy lui offrit à souper, mais le pria d'aller dormir chez le voisin, où les lits étaient bons et l'hospitalité cordiale. Elle lui parlait avec une grande politesse et l'on voyait qu'elle avait du chagrin de ne pouvoir faire davantage. Il répondit durement qu'il ne demandait pas du pain, mais un lit. On se mit à le questionner. Il était de Saint-Césaire, près des lignes. Il se nommait Jérôme Dumal. Un drôle de nom et pas commode à porter, ce semble. À ce nom, le père des orcis fit un bond, s'approcha du mendiant et le regarda fixement. On voyait frissonner ses vieux membres tout à l'heure immobiles. Elle répéta deux fois avec une évidente émotion et d'une voix sourde « Jérôme Dumal, mes enfants, Jérôme Dumal !»« Est-ce que vous me connaissez ?» Le père des orcis ne répondit pas à sa question, mais après une minute d'un silence qui avait quelque chose de sinistre, il grommela. « Je vais vous donner un lit, moi, un bon. » Et se tournant aussitôt vers le petit garçon de mon cousin, qui regardait curieux, il ajouta « Va conduire ce pauvre chez moi et qu'on lui donne mon lit. » Craignant de blesser la femme de Vaudreuil, il lui dit que ce n'était pas pour lui faire la leçon qu'il agissait ainsi. Il voyait bien qu'il ne pouvait héberger cet homme et que lui, il le pouvait aisément. Le petit garçon sortit, suivi de l'infirme. Pendant quelques minutes, personne ne dit mot. Pour rompre un silence qui devenait embarrassant, mon cousin hasarda une petite plaisanterie. « Comme ça, vous ne coucherez pas dans votre lit ce soir, père des orcis. Pourtant, plus l'oiseau est vieux et plus il tient sa plume. »« C'est vrai, mes enfants. Mais pour bien traiter les autres, il faut souvent se maltraiter soi-même. » Pendant que je cherchais un thème quelconque, ou tout au moins une phrase, à défaut d'une idée, il reprit. « Je vais vous raconter une petite histoire de 1837. »« Une histoire de 1837 !» Répondons-nous ensemble en faisant cercle autour de lui. « Oui, oui, père des orcis, comptez, nous écoutons !» Il commença. « En ce temps-là, mes enfants, il y avait de la souffrance et de l'humiliation dans nos campagnes. Le nom français était « Honey ». La religion de notre Seigneur n'était pas comprise de nos maîtres. Nous étions tenus en servage, mes enfants. Aujourd'hui, que vainqueurs et vaincus sont devenus frères et ne forment plus qu'un seul peuple, on ne comprend guère les luttes et les douleurs d'autrefois. Il ne faudrait pas oublier cependant que la liberté germe dans le sacrifice, grandit par le dévouement et s'épanouit dans la charité. Nous avons été les premiers ouvriers de la grande œuvre nationale. Il y avait des hommes de cœur et de génie qui nous guidaient. Nous obéissions. Ils étaient les nuages qui s'amoncellent et nous étions les gouttes de pluie qui tombent sur les sillons ensemencés. À Saint-Césaire, ma paroisse natale, comme à Saint-Denis, comme à Saint-Charles, comme à Saint-Eustache, comme à Chambly, le réveil du patriotisme fut admirable et l'élan des cœurs fut généreux. Il se trouva chez nous, comme ailleurs, cependant, des timides et des lâches. Mais ils sont oubliés, mes enfants, et les noms des braves apparaissent de plus en plus brillants à mesure qu'ils se dégagent des brumes du passé. Je fus un des premiers à décrocher le fusil. J'étais pris d'un singulier besoin de faire le coup de feu, et pourtant, je n'étais pas méchant. Une force invisible me poussait, et je ne pouvais pas croire qu'il n'ait jamais permis au peuple d'affirmer son autorité et de revendiquer ses droits au prix du sang. S'il en était ainsi, mes enfants, comment l'Église pourrait-elle accepter le fait accompli et s'en faire ensuite hautement la protectrice? Le mal est toujours le mal, et la prescription n'existe que pour le tribunal du siècle, pas pour la conscience de l'homme. Plusieurs jeunes gens imitèrent mon exemple. Un de mes amis, entre autres, qui avait trompé la surveillance de son père pour lui dérober une arme vaillante. Ce père de mon ami était un peu bureaucrate et n'aimait point Papineau. Moi, je marchais des lieues pour aller l'entendre, car il faut entendre parler des hommes ou lire leurs écrits si on veut les connaître. J'avais une petite amie. À 25 ans, le cœur ne demande qu'à s'ouvrir à l'amour, comme une fleur au soleil. Elle m'aimait bien. Du moins, je le croyais. Les femmes ont toujours l'air d'aimer quand elles n'haïssent pas. Nous faisions des rêves enchanteurs. Nos parents, unis par une longue amitié, jouissaient d'une certaine aisance. Ils ne manqueraient pas de favoriser nos voeux. Nous aurions notre maisonnette au fond d'un jardin, sur le bord de la rivière. Quand je viendrais du champ, elle poserait ses lèvres fraîches sur mon front baigné des sueurs du travail. Nous dînerions en tête à tête. Nous irions nous asseoir à l'ombre des grands arbres, sur l'herbe épaisse comme un coussin. Toute la félicité que rêvent les amoureux de tous les temps et de tous les lieux, nous l'aurions certainement, mes enfants. Illusion, illusion. Mais j'espère que la jeunesse ne m'entend pas. Je ne voudrais point la détromper. Le rêve seul est beau. Au reste, qu'ai-je à craindre? La jeunesse croira toujours fatalement dans l'avenir, comme le vieil âge regrettera toujours le passé. J'avais hâte d'entendre l'appel du clairon et de courir à la bataille. Je voulais me distinguer et venir déposer mes lauriers aux pieds de madame, comme les chevaliers d'autrefois. J'avais donc deux amours, ma patrie et madame. Si je regarde bien, j'en trouve encore. Mon foyer, ma famille, ma mère surtout. Le cœur est immense et les choses qu'il doit aimer sont sans nombre. Enfin, je reçus dans la lutte le baptême de sang. Un divin baptême, celui-là aussi, mes enfants, quand c'est pour le droit que le sang est versé. C'était à quelques milles de Longueuil, vis-à-vis de la propriété d'un nommé Trudeau, sujet bonne souvenance, et sous le commandement de Bonaventure Vigée, un brave qui s'était improvisé chef. Il s'agissait d'arracher aux Anglais fanfarons Demery et d'Avignon, deux des nôtres qu'ils avaient fait prisonniers. Je crois que cet engagement est le premier qui eut lieu à cette époque troublée. Nous étions une trentaine de citoyens occupés à fondre des balles dans la maison du capitaine Vincent, à Longueuil, lorsque Vigée arriva. Quel vaillant que ce Vigée, mes enfants! Il pouvait tenir un bataillon en échec. Jeune, dévoué, sans peur, adroit, agile, il était partout à la fois. Nous voulions nous battre tout de suite, dans les rues, contre tous les goddames, mais les goddames juraient de brûler le village si nous faisions un mouvement. « C'est bien, » dit Vigée. « Nous allons leur jouer un tour de notre façon. » Les soignants vont voir ce que c'est que des patriotes. Attendons la nuit. Elle était lente à venir. Nous avions tant hâte de glisser nos balles neuves dans nos vieux mousquets. Enfin, elle arriva la nuit désirée. Nous sortons. Nous passions tour à tour comme une procession de fantômes sur la route déserte. Le village est disparu là-bas dans la zone noire. Nous voilà embusqués derrière un petit rideau d'arbustes, le long d'une clôture, et là, priant le Dieu des nations de nous couvrir de son bouclier, nous regardons avec confiance l'endroit d'où l'ennemi doit surgir. Nous n'avions pas honte de prier, mes enfants. Plus on craint le Seigneur, moins on craint les hommes. Le jour commence à poindre. Des lueurs blanches glissent sur les champs, à travers les bosquets d'arbres noirs. Un trait rouge comme du sang déchire, à la hauteur des forêts lointaines, le levant endormi. Un nuage de poussière monte sur la route là-bas. « Courage, mes amis, les voici !» Un frisson court dans nos veines et nos cœurs battent avec violence. Pas de peur, mes enfants, je vous le jure. Nous regardons nos mousquets comme pour leur demander s'ils vont répondre à notre attente et seconder nos efforts. Vigée embrasse le sien. La mort seule nous séparera. Nous faisons la même chose et nos yeux s'emplissent de larmes. Ils arrivent, traînant les deux prisonniers. Halte! En même temps, nous nous levons et mettons en joue. Les Anglais paraissent ahuris. Halte! Libérez les prisonniers! C'est le fusil qui répond. Une balle lui effleure la jambe, une autre lui emporte le bout du petit doigt. En avant les braves! Il s'élance le premier. Il barre le chemin aux Anglais. Il fait feu et blesse au genou le cavalier qui était à la tête de la troupe. L'engagement devient général. Nous nous battons comme des lions. Nous éventrons des chevaux et nous désarçonnons des soldats. L'ennemi est nous croit nombreux et, pour le confirmer dans son erreur, lui j'écris, menace, appelle, se tournant de tous les côtés comme si le champ eût été rempli de guerriers qui n'attendaient que ses ordres pour accourir. Bientôt, les Anglais sont pris de peur, mes enfants. Ils faiblissent, lâchent pied, se sauvent. Léger se jette sur les chevaux qui entraînent les prisonniers de son épée leur ouvre les entrailles. Ils roulent dans la poussière. Une clameur de joie monte au ciel. Nous ramenons en triomphe nos compatriotes, délivrés enfin de leur père. J'étais blessé. Deux de mes camarades, moins heureux, m'aidaient à marcher, contents de partager ainsi ma gloire. Je retournai dans ma famille. Des soins intelligents me remirent vite sur pied et je repris le mousquet. Il ne fallait pas le laisser se rouiller, mes enfants. Cependant, l'élan ne fut pas universel. L'organisation était défectueuse, les ressources étaient insuffisantes, les armes trop rares. Le temps marchait vite. Nous eûmes des triomphes, nous essuyâmes des défaites. Un jour, voyant qu'il était inutile et dangereux de prolonger une lutte désespérée, nous nous décidons à rentrer dans nos foyers. La persécution commençait, cruelle, impitoyable. Nous fûmes traqués comme des fauves. Les uns prirent en pleurant le chemin de l'exil, les autres montèrent sur l'échafaud comme des criminels. Des criminels, mes enfants, ces hommes honnêtes, ces soldats valeureux qui avaient trop aimé leur pays. Trop aimé? Non, on n'aime jamais trop, même quand on aime jusqu'à la mort. Demandez au crucifié. Le vieillard, ému, resta silencieux pendant quelques instants, puis il reprit. Je me tenais caché depuis quelques jours, à une petite distance du village, dans un bois épais. À part ma famille, un ami, un seul, connaissait ma retraite. C'était le brave qui avait décroché la carabine de son père pour tuer des despotes. Tombé sur un champ de bataille, dans l'ardeur du combat, enivré de haine ou d'amour, c'est bien. Être fait prisonnier après une lutte sans merci, blessé, épuisé, c'est encore bien. Mais se faire pincer comme un serin, quand l'épée est au fourreau, et la fumée des canons disparue, c'est absurde, mes enfants. Je voulais garder ma liberté. Un jour, je faisais ma prière du matin, à genoux sur un tronc renversé, dans un rayon de soleil qui glissait à travers les rameaux, car les rebelles priaient comme les autres, et mieux peut-être que les lâches pour qui tous les jougs sont faits, j'entendis un bruissement de feuilles inaccoutumé. Je me levai, regardant fiévreusement vers l'oreille du bois, car c'était de là que venait le bruit. Je reconnus le froissement des branches sèches, des mousses et des fougères par des pieds pesants. Je crus bien que ma cachette était découverte et j'éprouvai un amer découragement. L'hiver approchait, je ne pouvais pas m'enfoncer loin dans la forêt. Il faudrait sortir de temps en temps pour trouver des aliments et me tenir au courant des choses politiques. Je savais que la justice, comme il disait, avait mis au pair plusieurs des nôtres, je me sentais de plus en plus triste dans ma solitude. Je crois que j'avais même des remords, mes enfants, et je sentais le besoin de partager les souffrances de mes compatriotes. Le silence se fit tout à coup, et je n'entendis plus que le chant des oiseaux et la chute des feuilles. Je me dis que j'avais eu peur de quelques renards fripons ou peut-être d'un ours grognard allant à la curie, et je commençais à reprendre ma quiétude quand un pas précipité retentit de nouveau. Je regardai tout autour et j'aperçus dans le fouillis des branches, à quelques pas, la silhouette de mon ami. Ah, tu m'as fait peur. Quelles sont les nouvelles? Y a-t-il danger? Il essayait de sourire, mais il y avait de l'amertume dans les plis de sa bouche. Des cachettes et découvertes. Découvertes? Comment? Par qui? Les Anglais vont arriver. Ils arrivent. Sauve-toi. Qui leur a révélé où je me cache? Le sais-tu? Ce n'est ni mon père ni ma mère, assurément. Ce n'est pas toi non plus. Il perdit contenance. Il serait peut-être plus sage de te rendre. Ils ne te feront certainement pas mourir. Et comment le sais-tu? Pourquoi ce conseil? Pourquoi n'es-tu pas prisonnier toi-même? Ne savent-ils point que tu es un rebelle comme moi? Ils savent tout. Impossible de leur échapper. Il vaut mieux se soumettre. Cela les désarme. Ils se montrent généreux. Et c'est ce que tu as fait? Demandai-je, d'une voix qui dut résonner loin, mes enfants. Il ne répondit pas. J'entendis de nouveau des pieds qui retombaient dru sur le bois silencieux. Un éclair me traversa l'esprit et je compris tout. Tu m'as vendu, tu me livres. Judas. Sauve-toi. Tu peux échapper encore. Et il disparut. Les limiers saxons arrivaient. Je n'eus pas le temps de prendre mon fusil. C'était mieux, sans doute. Dieu l'a voulu ainsi. Je fus entouré, saisi, écrasé sur le sol vierge par ces impurs. Ils me mirent des fers aux mains et me poussèrent devant eux à travers les grands arbres impassibles. Ils riaient et les oiseaux chantaient. De nouveau, le bon vieillard fit silence et l'on eût dit que son regard fauve se perdait dans ce lointain douloureux qu'il venait d'évoquer. On savait qu'il avait été exilé aux Bermudes avec 7 de ses compagnons, pendant que plus de 50 autres patriotes étaient entassés dans l'entrepont des voiliers et transportés par-delà l'équateur, aux Antipodes, dans la terre encore inconnue de l'Australie. Mais la liberté germe vite dans le sang des martyrs et les grandes douleurs touchent le ciel. Une ère nouvelle commença. Les lois qui avaient été imaginées pour nous perdre devinrent notre bouclier grâce au dévouement et à l'habileté de nos hommes d'État, et après quelques années, les pauvres exilés purent revoir leur beau Saint-Laurent, leur campagne paisible, leur foyer bien-aimé. L'exil n'était plus qu'un mauvais rêve. Ce que vous ne savez pas, mes enfants, c'est que mon retour fut douloureux comme mon départ. Je n'avais pas épuisé le calice des amertumes. Mon pauvre cœur devait souffrir à son tour des tourments nouveaux. La jeune fille que j'aimais et qui devait être ma femme un jour n'avait pas eu le courage de l'attendre. Un lâche l'avait circonvenue. Il lui avait fait croire que je ne reviendrais jamais ou que je serais encore traqué comme un scélérat. Il lui avait dit « Mais pourquoi rappeler ces choses qui ne vous intéressent nullement ?» Elle m'oublia. Elle devait sa femme à lui qui m'avait trahi. Il est vrai. Un frisson de colère passa dans nos veines. Et le ciel ne l'a point puni? Le ciel ne punit pas toujours en ce monde. Et il ne punit pas souvent. C'est à la mort que les comptes se règlent, mes enfants. L'homme a pour lui le temps et Dieu a l'éternité. Cependant, jugé, elle n'a pas vécu longtemps auprès de ce traître qu'elle méprisait. Lui, c'est cet homme qui vient de sortir d'ici pour aller dormir dans mon lit. Dieu veuille qu'il y repose bien. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Baptême de sang de Pamphile Lemay. La musique est de Kevin MacLeod, diffusée sous contrat Creative Commons, qu'on peut retrouver chez Incopetech. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Non-Commercial Share Alike, et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.